Audiomatique. C'est sur la musique de la formation Front 242 que s'ouvrait la transmission 242 d'Audiomatique. La version de la pièce que nous entendions, soit No Shuffle, se retrouve sur le mini-album Politics of Pressure, alors que la version originale apparaît sur l'album No Comment, sorti en 1984. C'est au groupe britannico-australien Dead Can Dance que revient la lourde tâche de permettre la continuité d'Audiomatique. Thank you. I could say c'est de l'intrigante histoire de Caspar Hauser, figure mystérieuse de l'Europe du 19e siècle, s'est inspirée Suzanne Vega pour composer sa chanson « Wooden Horse » que l'on entendait en conclusion de cette séquence musicale audiomatique. Cette pièce est tirée de son célèbre deuxième album « Solitude Standing » paru en 1987. Précédemment à Suzanne Vega, il s'agissait de Patrick Watson et sa composition « Weight of the World » extraite de son album « Close to Paradise » lancé en 2006. Et pour débuter, Dead Can Dance nous offrait la chanson « Wild in the Woods » que l'on retrouve sur leur premier album homonyme qui a été commercialisé en 1984. La formation canadienne Ostra lance la prochaine séquence musicale à Audiomatic. Thank you. venons d'entendre la formation Project Pitchfork à Audiomatic et la pièce The Queen of Time and Space apparaissant sur l'album Quantum Mechanics sorti en 2011. Précédemment à Project Pitchfork, il s'agissait de la formation islandaise Legend avec la pièce Captive apparaissant sur le plus récent album intitulé Midnight Champion. Et c'est avec Ostra que nous amorcions la séquence musicale grâce à la pièce Beat and the Pulse se retrouvant sur son premier album Feel It Break sorti en 2011. Les sonoristes perpétuent la rumeur d'Audiomatic à travers cette fois la musique de Tuneyards. We'll be right back. À Audiomatic, nous entendions la pièce « Prayer, O Dr. Jesus » interprétée par Miles Davis, extraite de l'album de 1959 « Porgy and Bess » qui contient bien sûr les pièces de l'opéra « Porgy and Bess » créé par George Gershwin en 1935, mais ici réarrangé par Miles Davis et Gil Evans. Tout juste avant Miles Davis, nous vous avons présenté le défunt groupe américain Requiem in White et leur chanson Acanthus, parue sur leur deuxième et dernier album Of the Want Infinite. Et en amorce de séquence, nous avons fait jouer Tune Yards et sa chanson Riot Riot de son deuxième album Who Kill, lancé en 2011. La formation Frontline Assembly mettra un terme à la transmission 242 d'Audiomatic grâce à sa pièce Disfate qu'on retrouve sur l'album Millennium paru en 1994. L'attente peut sembler longue entre les transmissions d'Audiomatic, c'est pourquoi nous vous offrons l'alternative d'écouter les anciennes émissions en balado-diffusion par l'entremise de nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Nous serons bien entendu de retour en ondes mercredi prochain dès 17h pour vous présenter la transmission 243 d'Audiomatic. Voici pour terminer Frontline Assembly et la pièce Disfate. C'était Audiomatic avec les sonoristes.